trop comprendre qu'il pouvait vous faire mal à en pleurer. J'ai passé bien trop de nuits à attendre sans même avoir la force d'espérer. Et puis un jour est arrivé et par toi ma vie a changé. Tout ce bonheur dont je rêvais, tu me l'as donné. Tu m'as donné.